La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, premier numéro aujourd'hui d'une série sur le dernier monstre sacré de la littérature sud-américaine, Mario Vargas Llosa. Et en effet, depuis que son alter ego, Gabriel Garcia Marquez, est mort en 2014, Vargas Llosa est bien le dernier représentant de la génération du boom latino-américain. Ce moment de grande inventivité littéraire généré par des personnalités comme Carlos Fuentes, Alvaro Mutis ou encore Julio Cortázar. Le dernier est peut-être aussi le plus grand, c'est en tout cas ce que Gallimard semble avoir pensé en lui offrant d'être le premier étranger à intégrer de son vivant la prestigieuse collection de la Pléiade avec 18 de ses romans les plus marquants. Parmi ces 18 romans, la plupart ont été traduits par Albert Bensoussan que je recevrai demain. Albert Bensoussan qui a également publié un essai « Ce que je sais de Vargas Llosa » qui est une analyse mais surtout un portrait du prix Nobel péruvien. Mercredi, nous nous arrêterons sur la question de la violence dans son œuvre, qu'elle soit politique, sociale ou bien tout simplement physique. Claire Sourpe nous dira comment cette violence se retrouve jusque dans la composition savante de ses romans, ainsi que dans sa manière d'écrire. Jeudi, deux écrivains qui ont beaucoup pratiqué Vargas Llosa, d'abord Guy Scarpetta, nous parlera de son roman La fête au bouc, ainsi que de Tante Julia et le scribouillard. Et puis Zoé Valdés en seconde partie, elle a découvert l'écrivain péruvien à Cuba, où ses livres ne circuler que sous le manteau, elle nous dira pourquoi cela a été une bouffée d'air dans sa vie. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je reçois Stéphane Michaud, qui a enseigné la littérature comparée à l'université Paris 3. Il est spécialiste de Lou Andrea Salomé, mais aussi de Freud, d'Yves Bonnefoy, de Michel Deguy et surtout en ce qui nous concerne de Mario Vargas Llosa, dont il est l'artisan de cette Pléiade, sortie en deux volumes il y a un peu moins d'un an maintenant et qui fait la fierté, dit-on, du prix Nobel péruvien. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs. Bonjour Stéphane Michaud. Bonjour. Il paraît que le jour où Mario Vargas Llosa a appris qu'il intégrerait la Pléiade a été le plus beau jour de sa vie. C'est en tout cas ce qu'il a dit à un journaliste du Figaro. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Ben, en tout cas, il a eu la générosité, parce que je pense que c'est un mot qui peut lui convenir, de répéter ce mot à notre égard, m'ayant choisi comme maître d'œuvre de l'ensemble, et puis ayant tout à fait convenu que c'était une œuvre suffisamment originale, importante et variée pour qu'il y ait matière à une équipe au travail. Vous pensez que c'était pour faire plaisir au peuple français, que finalement il aime bien malgré tout, ou alors est-ce que vraiment c'est mieux de rentrer dans la Pléiade que d'avoir le prix Nobel de littérature comme ça a été son cas quelques années plus tôt ? Je ferai pas de distinction et encore moins hiérarchie entre les prix littéraires. C'est sûr que Mario Vargas Llosa en a eu un certain nombre, mais au fond, je dirais Mario Vargas Llosa est véritablement écrivain au sens que l'écriture le mobilise, mais depuis qu'il est gamin, véritablement. C'est-à-dire qu'on en trouve les traces partout et qu'il avait cette suffisance, au fond, comme jeune garçon, mais qui s'était essayé très vite à l'écriture, de se dire que sa vocation était d'être écrivain. Et dès lors, rentré dans le paradis de la littérature, il s'y sait en bonne compagnie. Quand il travaillait à l'ORTF à Paris, il a eu l'occasion d'interviewer... À la RTF, n'allait pas trop vite, ça ne s'appelait pas encore l'ORTF. Voilà, et du coup, interviewant tous ces auteurs, il se sentait dans cette sorte de paradis, et qui, par un paradoxe sympathique, n'était pas un peu plus loin, c'est-à-dire éternellement inaccessible, mais qui, pour lui, est un lieu dans lequel il baigne avec bonheur. Donc il est allé vous chercher, justement pour cette Pléiade. Vous n'étiez pas particulièrement spécialiste de son œuvre. Et un jour, il vous a téléphoné, il a dit « Allô, c'est Mario Vargas Llosa ?» Alors, c'était à vrai dire un petit peu antérieur, parce que quand il l'a appelé, certes, je connaissais son œuvre en partie, mais c'était au fond, à un moment dans sa vie littéraire tout à fait important, il avait été candidat malheureux à l'élection présidentielle et on comprend... Donc en 1990. Voilà, et on comprend la blessure qu'a laissé la chose quand le président élu s'est réfugié au Japon et au cours d'un voyage officiel n'a pas été plus loin et a laissé l'avion présidentiel rentrer à vide. Donc être défait par quelqu'un qui est insuffisant dans son mandat politique, voire même le trahit, ça peut laisser quelques amertumes. Encore aujourd'hui, c'est une blessure pour lui, vous diriez ? Écoutez, en tout cas, il a réagi d'une manière qui, précisément, le confirme comme écrivain. L'écriture est ma vraie vocation. Et si l'énergie mise dans la vie politique n'a pas abouti, eh bien, c'est dans le jeu démocratique. Mais en revanche, je sais où je vais investir mon énergie. Et il nous disait dans le colloque que j'organisais en 93, et c'était la suite de cette conversation qu'on a eue dans les mois précédents, il me disait... et il en prenait l'engagement devant tout le monde, la tentation politique c'est fini, la littérature est ma vraie vocation et je m'y donne entièrement. Et donc c'est vrai qu'il y a chez Vargas Llosa un plaisir, je disais, un plaisir de la littérature, un bonheur qui est celui de l'écriture, étant donné qu'il connaît aussi l'autre versant, c'est-à-dire toute la difficulté qu'il y a à écrire, et d'une certaine façon, il n'y a pas plus modeste que lui dans les séances de travail auxquelles il s'astreint, et dans son emploi du temps très rigoureux qui est le sien. Mais, au fond, l'écriture est sa vraie et grande vocation, et... Il a tout sacrifié à cette mise en forme, mais qui est tout sauf de la virtuosité gratuite. Au fond, il y va de sa propre justification, et je dirais du destin de son pays et de son continent. Et il écrit, alors vous ne nous avez pas dit finalement comment s'est passé ce fameux coup de fil où il vous a appelé pour écrire non seulement la préface, mais en fait toute l'appareil critique de cette Pléiade. Mais en tous les cas, dans cet appareil critique, vous soulignez qu'il s'agit d'une œuvre monde. Alors qu'est-ce que c'est qu'une œuvre monde ? Ben, écoutez, c'est probablement la meilleure réaction, dirais-je, que peut avoir un écrivain qui se sait d'un pays... qui n'est vraiment pas prioritaire dans les intérêts internationaux, d'un pays dans lequel l'analphabétisme est encore majoritaire dans la population. Qu'est-ce qu'un écrivain qui s'adresserait à des analphabètes ? Au fond, l'avenir ne lui appartient sûrement pas, et on aura envie de dire c'est un fou, c'est un désespéré. Donc, le Mario Vargas Llosa est quelqu'un qui, je dirais, dès le départ... c'est que l'écriture doit avoir une justification profonde et doit venir du plus précisément de l'intime de soi-même. Et à cet égard, eh bien, puisque il avait eu cette difficulté que son père trouvait que c'était une occupation de femmelette, et qu'après tout, malheureusement, c'était tout à fait ce mauvais chemin qu'il avait pris en cultivant l'écriture, son père l'a envoyé au collège militaire, de façon à lui faire perdre ses habitudes de femmelette, voire de... Au fond, la grande crainte du père était que le fils ne soit un inverti, et l'homosexualité était son horreur absolue. Eh bien, c'est pour ça qu'il a envoyé dans un collège de garçons uniquement son fils. En plus, un collège militaire, oui. Donc, dans ces conditions, je dirais, l'écriture prend tout à coup vraiment un sens profond, essentiel, et cette écriture l'oblige à quitter son pays. Et la première découverte et la première réalisation de son rêve, c'est quand il écrit sa première nouvelle. On va le chercher à l'Alliance française, on lui signale que... il y a un concours littéraire qui est organisé par la Revue française et que s'il veut donner un texte, il a après tout ses chances. Voilà qu'il remporte le prix littéraire et il passe comme ça 15 jours à Paris, disons dans des conditions un peu étonnantes parce que il vit dans le luxe d'un hôtel du 17e arrondissement, pas très loin de l'Étoile. Et quelques jours après la fin de son séjour, et il se dit qu'il faudra bien qu'il rentre et il va prendre modestement tout seul sa valise pour rentrer. Et son oncle Lucho, qu'il connaît bien, lui dit « Mais écoute, je te paye 15 jours de plus à Paris ». Et pour lui, c'est vraiment le bonheur absolu. Donc je dirais, l'écriture pour lui n'est pas quelque chose qui lui tombe tout cuit dans la bouche, mais l'objet d'un combat et, je dirais aussi, une lutte tout à coup. Prendre le monde à bras-le-corps, c'est sa réaction immédiate. Au fond, une œuvre monde, c'est qu'il ne s'agit pas, qu'il écrive sur des détails, des anecdotes, des choses sans conséquence, mais de justifier comme un projet d'existence l'écriture. Il faut que l'écriture, le roman, soit une nécessité existentielle pour qu'il soit valide, selon Mario Vargas Llosa, qui a dit également qu'écrire un roman, c'était comme se déshabiller, c'était faire un striptease, mais à l'envers. Qu'est-ce que ça signifie, ça, Stéphane Michaud ? C'est une des, comment dire, un des charmes de l'écrivain que de ne pas garder pour lui cet art qu'il a acquis si difficilement, mais d'en montrer les chemins pour quelqu'un qui voudrait le suivre. Et tous les rouages, il y a un côté masterclass finalement dans sa démarche. Si vous le voulez, n'empêche qu'il faudrait regarder le départ de cette vocation littéraire. Il arrive, après avoir eu une bourse qu'il projette à Paris pour 3 semaines, lorsqu'il arrive à Paris, d'ailleurs tout jeune marié parce qu'il s'est entiché d'une tante par alliance, il n'était même pas en âge de se marier et il a truqué sa date de naissance. Lorsqu'il arrive à Paris, ma foi, les réalités de la vie sont là, il faut qu'il gagne sa vie et qu'il réussisse à vivre non seulement lui-même, mais sa femme et compagne. Et du coup, il commence par donner des cours à l'école Berlitz, le cas échéant donne fait dans le genre travaux pratiques, mais non pas d'écriture, mais participe à un festival de danse inca et ma foi a le plein succès qu'il mérite. Reste que précisément, il faut pas se tromper. Tout cela, ce sont des choses alimentaires et que le vrai but dans sa vie, c'est au fond l'écriture. Alors qu'est-ce que c'est que le striptease à l'envers ? C'est qu'au fond, mais je crois que l'expression est belle, d'abord parce qu'elle est paradoxale et qu'elle est un peu émoustillante quand même, soyons sincères. Et d'autre part, il y a dans ce striptease à l'envers, précisément, le striptease, si c'est pas de l'érotisme banal et bon marché, est à vrai dire une mise en scène. Donc, voyons que dans les leçons d'écriture de l'écrivain, il nous racontera, ce qu'il explique très bien, tous les tours et détours, parce qu'après tout, il n'a pas joué Ulysse pour rien, il a plus d'un tour et détour dans son sac. Alors Stéphane Michaud, vous avez déjà commencé à dévoiler un certain nombre d'éléments de sa biographie, et notamment son rapport à son père, qui mérite, je crois, d'être creusé. Laissons Mario Vargas Llosa le faire lui-même. C'était au micro de Gérard de Cortance dans À voix nue sur France Culture en 1993. J'ai connu mon père quand j'avais 10 ans. La relation a été très difficile. Il était très différent de ce que j'aurais voulu. J'avais été, comme enfant, très gâté par ma mère et ma famille maternelle. Lui, il était un homme très sévère. Il a imposé son autorité sur cet enfant gâté que j'étais. Et alors, la relation était très, très difficile. J'ai ressenti beaucoup, n'est-ce pas, cette personnalité autoritaire. Dès que je l'ai connu, mon enfance est devenue très différente de ce qu'elle était jusqu'alors. Elle est devenue plutôt douloureuse. Je me suis senti très opprimé par cette présence écrasante. Mais à la distance, quand j'ai fait les balances, je dois reconnaître que je dois à mon père beaucoup de choses et peut-être ma vocation d'écrivain. Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Mario Vargas Llosa avec Stéphane Michaud. Alors c'est fondateur quand même cette relation avec son père, Stéphane Michaud. Il ne l'a connu au fond qu'à 10 ans. Et avant cela, son père était tout simplement réputé mort. Donc son père apparaît tout d'un coup, Deus Ex Machina. Oui, sauf que dans la tragédie antique, pour reprendre votre mot latin, Deus ex machina est celui qui vient tout réconcilier, tandis que là, il vient tout faire exploser. Au fond, Mario Vargas Llosa avait pris l'habitude de ce que son père ne soit pas dans son paysage, si, sous forme d'une image d'un beau radio-navigateur de la marine, je crois, argentine. Et ce père avait son portrait sur sa table de nuit et, à vrai dire, ne troublait en rien l'harmonie que lui, jeune Mario, avait avec sa maman, qui était une sorte de mère célibataire. Font songer qu'au moment de la naissance, en 1936, de Mario Vargas Llosa, au moment de sa naissance, le père n'est pas là. Et le père ne répond pas au télégramme. Et il ne répond même pas au télégramme. Et alors que tout à coup, ce père tombe du ciel, et tombe du ciel avec l'autorité paternelle et la puissance que donne la loi péruvienne, qui à cet égard est encore tout à fait terrible, copiée sur la loi de la très catholique Église et de la très catholique Espagne surtout. Dans ce cas-là, le père réclame la maman pour lui, il fait chambre à part et le petit garçon se demande qu'est-ce qu'elle est cette épreuve de mauvais goût à laquelle il est soumise. Et d'autre part, eh bien précisément, il prend les choses en main alors que on ne sait absolument pas qui c'est. C'est au fond un étranger qui s'installe avec les droits qui effectivement paraissent quasi droits divins, mais qui sont au plus haut point perturbateurs. Et du coup, la figure du père dans les romans de Vargas Llosa va être souvent imprégnée de ce conflit qu'il a eu très important avec le sien de père, notamment peut-être dans La ville et les chiens, Stéphane Michaud. Il y a effectivement de cela dans La ville et les chiens, le père du jeune cadet qui est le héros de l'aventure est un père qui traite mal sa femme et qui effectivement est de tout sauf un conseiller pour le fils. Alors, quand vous avez introduit cette interview qui est tout à fait intéressante de Mario Vargas Llosa, vous avez dit que contrarié à ce point les projets du fils, c'est peut-être une façon de les encourager. Effectivement, ça a été déterminant. Il n'empêche que les relations entre le père et le fils ont été plus que conflictuelles et que une illustration, mais alors là, c'est le génie de l'écrivain que de tout retourner en faveur de l'œuvre et qu'il combine à sa façon. Le génie de l'écrivain était de transformer cette relation si difficile et conflictuelle en une sorte de roman d'aventure lorsque le fils décide de se marier, qu'il truque contre toute évidence des documents officiels, il truque sa date de naissance et que il cherche à convaincre un maire d'un des villages ou d'une des petites villes alentour de le marier. Et explosion du père qui menace vraiment des pires forfaits. Je crois que le père était aussi quelqu'un qui ne craignait pas la violence et qui était aussi bien capable d'éclats verbaux que d'éclats en maniant les armes. Alors les armes, c'est le collège militaire où va donc être envoyé par son père, Mario Vargas Llosa, pour qu'il apprenne un peu plus la vie. Jusqu'à mon entrée au collège militaire, j'avais eu la vie d'un garçon de la bourgeoisie liménienne, c'est-à-dire une vie assez protégée, assez isolée du reste du Pérou. J'y connaissais un pays qui était un pays très petit et très restreint. Mais j'ignorais tout du Pérou indien, du Pérou rural, du Pérou paysan, du pays de la pauvreté et de la misère et de la margination. C'est-à-dire que j'ignorais tout du pays violent, hein, plein d'antagonisme et de rivalité qui était aussi le Pérou. J'ai découvert tout ça au collège militaire. Parce que Leoncio Prado était un collège très particulier au Pérou. C'était un collège où pratiquement toutes les classes sociales étaient représentées. Hein. Bien sûr, chaque garçon apportait à cet milieu, disons, concentrationnaire, les préjugés, les stéréotypes, et les ressentiments, n'est-ce pas, de son milieu. Et ça donnait à l'atmosphère du collège militaire, n'est-ce pas, quelque chose de très violent, de très... Pour moi, ça a été un choc au début. J'ai vécu des semaines et des mois très difficiles. Mais j'ai appris la vérité, n'est-ce pas, sur le Pérou et aussi sur la vie. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Alors la vérité sur le Pérou et sur la vie, c'est ce qu'il va raconter dans ce roman que j'évoquais, La ville et les chiens, son premier roman publié en 1962, écrit à Paris, et qui raconte ces deux années terribles à l'internat du lycée Leoncio Prado, Stéphane Michaud. On sait qu'il y a de l'autobiographie, il n'y a évidemment pas que de l'autobiographie dans ce roman, mais c'est vrai qu'à sa lecture, on se dit que ces deux années-là ont dû être particulièrement traumatisante. C'est vrai, mais ce qui est très important, c'est au fond de voir que, vous le signaliez, ce roman qui porte le Pérou est écrit à Paris. Donc peut-être faut-il la distance que donne l'éloignement du pays natal pour aider à le lire, à lire précisément cette structure hiérarchique. Après tout, Mario Vargas Llosa dit avec modestie comment il appartenait à une couche plutôt favorisée de la population. Et le Pérou est un pays pluriracial, c'est-à-dire qu'il y avait, il y a eu un commerce des esclaves qui a fait venir pour les plantations de sucre de la côte, ce n'est certainement pas Lima, mais n'empêche que ça appartient à la côte péruvienne, on a fait venir des Noirs. Il y a eu d'autre part cette conquête espagnole, et la conquête espagnole est toute différente dans l'Amérique hispano-américaine, de la conquête que mènent les Portugais. Et lui-même, d'ailleurs, est un descendant des conquistadors, directement. Alors, lui-même, depuis le jour où, d'ailleurs, menacé d'être spolié de sa nationalité péruvienne, il a acquis la nationalité, une nationalité supplémentaire, la nationalité espagnole, lui-même, effectivement, a fait des recherches aussi, éventuellement parce que la famille Llosa, c'est-à-dire le côté maternel, avait été représentée, il en y avait des traces en Estramadour. Bon, il y a sans doute, disons, une probabilité pour qu'il y ait eu du côté de l'époque du début de la colonie et de la conquête quelques représentants de sa famille. N'empêche que lui est d'abord et avant tout issu d'une famille quasi monoparentale, c'est-à-dire que en revanche il est avec sa mère et la famille monoparentale se resserre autour de sa maman pour lui éviter tout simplement les ragots qui courent, situons-nous dans ces années 36-40 où je ne sais pas si la situation était très enviable en France d'une mère célibataire, mais dans le monde de la très catholique Espagne, c'était le déshonneur absolu. D'accord, mais donc vous disiez que ce livre a été écrit à Paris, que ça a donné la bonne distance pour juger son pays. Et c'est vrai que l'une des questions lancinantes de son œuvre, c'est depuis quand finalement le Pérou est-il foutu ? C'est une obsession. Oui, cette question, on va la retrouver dans un roman ultérieur qui est Conversation à la cathédrale. Écrit également à Paris. Voilà, étonné qu'une grande partie des premières œuvres de Vargas Llosa est écrite à Paris. Mais au fond, le tour de force à chacun de ces fois, c'est de se plonger plus que jamais dans la réalité péruvienne, mais de le faire avec la distance de quelqu'un qui a quitté son pays, qui d'ailleurs, entre-temps, a découvert l'Amérique latine. C'est quand même le paradoxe. Donc c'est à Paris qu'il découvre l'Amérique latine. Absolument. Mais comment ça se fait ? C'est que c'est justement les Parisiens qui lui parlent de l'Amérique latine, ce sont les autres représentants de l'Amérique latine à Paris qui lui font découvrir finalement son continent ? La langue qu'il parlait est l'espagnol. Il s'aperçoit que c'est espagnol. Il l'a en commun avec un Argentin, Julio Cortázar. Il l'a en commun avec Octavio Paz, qui est quelqu'un déjà de bien établi et qui lui fait signe précisément pour participer à un numéro sur l'Amérique latine. Et cette conscience de l'Amérique latine, Mario Vargas Llosa n'est pas le seul à l'éprouver. Il faudrait ajouter une série d'éléments qui composeraient le tableau. Ces écrivains dans leur pays sont très isolés. Mario Vargas Llosa signale comment l'un de ses grands maîtres au Pérou était quelqu'un qui a tenté l'impossible et qui était condamné à végéter, précisément parce qu'il n'y a pas de public lecteur. Donc, quitter le Pérou, c'est déjà savoir que la littérature peut avoir un certain écho. Et c'est venir dans le Paris de Jean-Paul Sartre, et donc l'engagement de l'écrivain n'a pas de sens quand vous vous adressez à des analphabètes qui n'entendent jamais votre message. Et ça a tout à fait une autre signification si vous vous adressez à un public qui est lecteur et qui sait aussi que l'écriture a ses codes. Et puis, chose très importante, c'est l'apprentissage de l'écriture, c'est-à-dire, puisque vous êtes attentif, et c'est une bonne entrée dans l'œuvre, aux racines autobiographiques de l'œuvre, quelle est la part du récit qui va passer et quelle est la part de ce récit qui est tellement propre à moi-même et à ma situation particulière que, je dirais, il faut l'effacer. Donc il y a tout un travail d'écriture, précisément, pour que le roman dépasse les frontières d'un possible lectorat péruvien ou liménien. Ce n'est pas parce qu'il est à Paris qu'il s'adresse à un lectorat liménien. Et au fond, c'est à Paris qu'il va tenter de lancer son affaire, mais précisément cette description qu'il fait dans La ville et les chiens, cette vie du collège militaire, eh bien, n'est pas sans écho avec les désarrois de l'Efterless. Autrement dit, on est là en pleine littérature européenne. Même si c'est plus violent quand même, on en parlera mercredi dans le cas de Mario Vargas Llosa. Au fond, ce que vous nous dites, Stéphane Michaud, c'est que l'identité de l'écrivain péruvien, c'est d'abord le cosmopolitisme. Et cela prend corps dans les nombreux lieux où il a vécu tout au long de sa vie. Alors Paris, cette année, je crois, mais aussi l'Espagne, mais aussi New York, Londres aussi. Donc c'est une vraie volonté d'embrasser le monde dans son entier. Alors, il y a aussi, dans l'époque où Vargas Llosa est créateur et il se retrouve à Paris, Paris est, et puis ensuite l'accompagne à Londres et à Barcelone d'autres créateurs, c'est un moment où le monde est à la fois bloqué et pourtant en ébullition. C'est-à-dire que le continent latino-américain avait la réputation fondée d'être un continent dans lequel les coups d'État militaires se succèdent sans changer grand-chose au spectacle politique général, c'est-à-dire que les privilégiés gardent le pouvoir. Ça ne sera pas toujours comme ça, mais pendant longtemps, c'est la manière dont se présentent les choses. Donc, Mario Vargas Llosa est par nécessité entouré d'autres qui ont un regard critique sur leur propre pays, qui parlent la même langue et qui se réclament, et pour lui c'est une chose très émouvante, il se réclame d'auteurs comme Cervantes par exemple. Et voici que la langue espagnole, qui a toujours été sa langue, celle dans laquelle il a choisi de s'exprimer, est une langue qui l'amène à l'expression littéraire avec tout ce qu'il a vécu lui-même et reste à savoir comment lui donner forme, en harmonie avec ses amis Carlos Fuentes, Julio Cortázar, ou bien, effectivement, l'auteur de Cent ans de solitude sera Gabriel García Márquez, sera un de ses bons amis. Donc il y a là vraiment une mouvance et une communauté, et cette volonté de percer, parce qu'il faut bien dire qu'en France, le roman latino-américain ne paraît pas tout de suite comme une chose évidente. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et non, le roman latino-américain n'est pas une évidence à Paris, même si c'est quand même Paris qui a beaucoup aidé à populariser cette littérature-là. Stéphane Michaud, on va continuer de parler avec vous de Mario Vargas Llosa, mais comme chaque jour au mi-temps de cette compagnie des auteurs sur France Culture, eh bien c'est le moment d'aller faire un tour du côté des revues littéraires, et en l'occurrence aujourd'hui du côté de la revue Critique. C'est grâce à vous, Philippe Roger. Bonjour. Bonjour. Directeur de cette revue critique dont le numéro daté de décembre arrive cette semaine dans les librairies. C'est un numéro sur Michel Foucault. Ça n'est pas le premier, je crois. Non, en effet, c'est le quatrième depuis 1986 et j'espère bien que ce n'est pas le dernier. Mais d'ailleurs, au fond, quatre numéros en 30 ans, c'est pas tant que ça. Non, bah, d'autant plus que Michel Foucault fait un peu partie de l'histoire de critique. Oui, il y a des liens très forts entre critique et Foucault. Michel Foucault avait d'ailleurs accepté en 1966 d'entrer au comité de rédaction en même temps que Roland Barthes et Michel Deguy à l'époque. Mais c'est le présent qui nous intéresse, vous le savez, à critique, et c'est l'actualité des publications. Et je crois que l'œuvre de Foucault est une des plus commentées, des plus étudiées au monde. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, le fonds Foucault de la Bibliothèque nationale de France contient un véritable trésor d'inédits, estimé, parce que personne ne sait exactement de combien de feuillets il se compose, entre 20 000 et 30 000 feuillets. Ben non, je ne savais pas, mais du coup, la conférence inédite que vous publiez en tête de numéro provient de ce fonds. Oui, alors nous avons beaucoup de reconnaissance pour les ayants droit, et puis aussi pour Henri-Paul Fruchot et Daniele Lorenzini qui l'ont retranscrit. C'est un texte magnifique. C'est peut-être pas à moi de le dire, mais je suis sûr que vous le direz, puisque vous l'avez lu aussi, intitulé « La littérature et la folie ». C'est un texte magnifique. Merci Mathieu, je n'en attendais pas moins de vous. Et ce texte, bien sûr, il est lié au travail de Foucault pour son grand livre « Histoire de la folie à l'âge classique », dont je rappelle que l'édition originale date de 1961, mais il y a quelque chose de très très original dans ce texte, très audacieux aussi, puisque Foucault n'hésite pas à rapprocher le théâtre baroque où abondent les scènes de folie et ce qu'il appelle le théâtre de l'hallucination d'Antonin Artaud. Et il crée une sorte d'arc électrique entre le théâtre baroque, en particulier espagnol, et Artaud, qui éclaire d'une manière très singulière le rapport folie-littérature. La folie, l'absence de l'œuvre, comme le dira plus tard Foucault. Oui, oui, il a eu cette formule, et d'ailleurs le texte n'y contredit pas, mais dans ce texte, il place la balle autrement, quand il écrit par exemple « Dans la folie de Hölderlin et dans celle de Roussel », Raymond Roussel, c'est en bref toute notre littérature que nous lisons. Et je crois qu'il se place lui-même autrement quand il conclut ce texte sur ces mots « La folie est bien le miroir de la littérature ». Donc folie et littérature, c'est ça le fil conducteur de votre numéro de critique ? Oui, alors c'est un des deux fils en tout cas. En écho à cet inédit, nous avons un article de Laurent Génie qui montre comment Foucault, après avoir attribué à la littérature un statut réflexif, spéculatif, l'avoir associé intimement à sa réflexion philosophique jusqu'au début des années 70, passe ensuite son chemin. Le titre de son article, c'est « Une passante », un titre très beau de Lérien, au moment où, peut-être pour Foucault, la littérature, de même que la discursivité, ne sont plus aussi centrales. Et puis Pedro Cordoba, un autre de nos collaborateurs réguliers, je dirais, sur le versant de la folie, revient sur un très étrange épisode. C'est la participation de Foucault à un carnaval des fous, qui a eu lieu le 2 mars 1954 dans une clinique suisse à Münsterlingen. C'est un épisode qui vient de faire l'objet d'un livre collectif dirigé par Jean-François Baer et Elisabetta Basso. Voilà, et l'autre fil, c'est la Pléiade Foucault. Et oui, nous revenons à la Pléiade, le passage en Pléiade. On ne peut pas vraiment dire que ce soit un rite d'initiation, puisque dans la plupart des cas, ceux qui en bénéficient sont morts, sauf magnifique exception, la Pléiade dont nous parlons aujourd'hui. La Pléiade, c'est notre panthéon de papier, avec le risque de statuification que ça comporte. Et c'est une opération particulièrement délicate dans le cas de Foucault, très attaché à ne pas laisser prendre, comme on dit, de la mayonnaise, laisser prendre la figure de l'auteur. Et Judith Revel, philosophe, qui connaît admirablement l'œuvre de Foucault, pose cette question dans sa contribution au numéro. Et nous avons demandé également à Frédéric Gros, qui a dirigé l'équipe éditoriale pour la Pléiade, de justifier les choix de cette édition. Et à Martin Rueff également, qui fait partie de l'équipe lui aussi, et qui nous livre en point d'orgue une belle réflexion sur une présence presque invisible, et pourtant capitale, dans l'œuvre de Foucault, celle de Walter Benjamin. Alors, une curiosité encore rapidement avant de nous quitter, Philippe Roger, Michel Foucault, un très beau feu d'artifice, pourquoi ce titre-là ? Alors, c'est une image de Foucault lui-même qui m'a plu. J'ai pas résisté à l'introduire comme sous-titre du numéro. Ça se passe en 1978. Foucault est à Los Angeles. Et alors, il est devant des étudiants américains et il rêve, je cite, de livres bombes. Mais des bombes qui ne tueraient personne, qui disparaîtraient peu de temps après qu'on les aurait lues ou utilisées. Style un peu Mission Impossible, hein, Mission Impossible. Cher Mathieu, mais c'est certainement une référence qui est trop antique pour vous. Si, je vois bien de quoi il s'agit. Hein, ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Mais Foucault, évidemment, sait bien que la beauté des livres, c'est aussi leur retombée. Hein. Alors, comme il est malicieux, il ajoute devant son auditoire, « Après l'explosion, on pourrait rappeler aux gens que ces livres ont produit un très beau feu d'artifice. » Eh bien, c'est exactement ce que nous essayons de faire à Critique, hein, prolonger le beau feu d'artifice qu'est l'œuvre de Michel Foucault. Et pour prolonger ce feu d'artifice, rendez-vous en librairie où vous pouvez demander le dernier numéro de la revue Critique publié par les éditions de Minuit. Merci beaucoup, Philippe Roger. Merci. Et à bientôt. La compagnie des auteurs reprend son chemin au premier jour de notre série d'émissions consacrée à l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature en 2010. Je n'y pensais pas, je n'étais même pas dans les candidats. Mais c'est une nouvelle qui me rend vraiment heureux. Je pense que c'est une reconnaissance pour la littérature latino-américaine et de langue espagnole, et ça doit tous nous réjouir. Et pour le reste, je vais continuer à travailler en me sentant responsable, comme j'ai toujours essayé de le faire, en défendant les choses qui sont fondamentales pour le Pérou, l'Amérique latine, pour le monde. La liberté, la démocratie, c'est le chemin du véritable progrès, de la véritable civilisation. Et je pense que ça fait partie des obligations d'un écrivain de les défendre, non ? Alors nous allons à Sceaux et à Gambade dans la vie et l'œuvre de Mario Vargas Llosa. Cette archive, elle date donc de 2010. Il recevait le prix Nobel de littérature pour sa cartographie des structures de pouvoir et ses images de la résistance, c'est presque foucaldien, de la révolte et de la défaite de l'individu. Qu'est-ce que ça dit de la carrière de Mario Vargas Llosa, les raisons qu'ont donné le comité Nobel pour l'attribution de son prix ? Je pense que le jugement est là intéressant parce que 2010, Mario Vargas Llosa a déjà derrière lui près de 50 ans d'écriture. Et donc, donner une justification à une œuvre qui, malgré tout, est très multiple, c'est-à-dire que nous parlons ici de la Pléiade et de ces deux volumes d'œuvres romanesques qui ne représentent d'ailleurs qu'un choix, mais il faudrait faire sa place à ce qui, dans l'édition des œuvres complètes, concerne le théâtre. Le journalisme. Le journalisme. Et ce journalisme touche à des choses aussi différentes que le domaine politique, le domaine de la vie littéraire, et précisément cette vie littéraire étant, au fond, sans frontières, parce que ces jeux d'opposition que la critique aime tant, que Mario Vargas Llosa n'aime pas plus que cela, mais ces jeux d'opposition purement formels sont des jeux qu'il congédie. C'est-à-dire que, précisément, n'établissons pas, surtout gardons-nous d'établir des frontières artificielles, et l'une de ces malices consiste à dire « Mais écoutez, c'est pas parce que je suis né à Arequipa, sur le haut plateau péruvien, qui d'ailleurs me fait compatriote de Flora Tristan. C'est pas parce que je suis né là-haut qu'il faut me représenter en sauvage, parlant un langage improbable et qui n'a qu'un lointain rapport avec l'espagnol. » Mais sur la cartographie des structures de pouvoir et les images de la résistance. Alors, écoutez, là, on est au cœur de deux grands romans. Les structures de résistance, après tout, Conversation à la cathédrale, c'est la radiographie d'années qui ont marqué durement Vargas Llosa, parce que c'est ces années où il accède à l'âge adulte, et ces années où il accède à l'âge adulte, il s'aperçoit que tout est empoisonné, qu'au fond, les mots, déjà, sont vidés de leur sens, et que cette phrase qui ponctue le roman depuis quand le Pérou est-il foutu ? Jodido el Pérou. Cette interrogation n'est pas une interrogation de journaliste. C'est l'interrogation de quelqu'un qui connaît de l'intérieur de cette société, qui souffre de tous les blocages, de ce paternalisme d'une société qui voudrait faire croire, mais enfin mon petit, vous êtes étudiant à l'université, qu'avez-vous donc de tant à souffrir, qu'est-ce qui va si mal chez vous? Et on s'aperçoit que la police secrète s'est infiltrée partout, et qu'il n'y a pas un élément du pouvoir où finalement la police n'ait mis déjà ses espions, et finalement détourner les jeux réels, la démocratie n'a aucun sens. Dans ces conditions, les structures de résistance, eh bien, ce groupe auquel Vargas Llosa a appartenu pendant une année, le groupe Kawide, prenait son nom d'un des héros de la lutte contre l'envahisseur colonial, contre les Espagnols, en somme, cette cellule a été poursuivie, et le premier contact, et qui d'ailleurs se retrouvera à la racine du roman Conversation à la cathédrale, c'est le contact que Mario Vargas Llosa a comme représentant des étudiants de l'Université San Marcos, qui est la grande université de Lima. Où lui-même sera donc étudiant. Voilà. Et comment est-ce que il a contact avec le chef de la police et essaye d'obtenir de ce chef de la police que des couvertures soient portées dans la prison de ses camarades qui meurent de froid et de faim. Mais ce prix Nobel de littérature, Stéphane Michaud, en quoi l'a-t-il changé ? Là, il dit que c'est un honneur pour lui et un honneur aussi pour tous les Sud-Américains et la littérature sud-américaine. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, vous qui l'avez fréquenté après le prix Nobel de littérature ? Ah, écoutez, j'ai eu la chance de le connaître avant et après, et j'ai envie de dire, écoutez, par bonheur, la vocation d'écrivain a été éventuellement confortée, mais elle n'était guère en question, et ce n'est pas au sens d'une vanité amplifiée que le prix Nobel aurait agi. Je pense que cette solidarité sud-américaine, il l'a véritablement apprise, quand ce ne serait que d'Octavio Paz, ambassadeur du Mexique en France, qui démissionne de ses fonctions d'ambassadeur lorsque son gouvernement mexicain se met à tirer sur la foule pour liquider une manifestation étudiante. Autrement dit, Mario Vargas Llosa a été mêlé à la vie de son pays, d'abord dans une option castriste et une option déterminée en faveur de Castro, jusqu'au moment où il s'est aperçu qu'il pouvait avoir de longs tête-à-tête, ou en tout cas avec une société très réduite, avec Fidel Castro, mais que Fidel Castro ne démordrait de rien, et que le système carcéral qu'il était en train d'établir, parce qu'il n'avait pas de position possible, ne serait jamais remis en cause. Oui, donc politiquement, il est passé d'une forme de communisme à du castrisme, à ensuite un libéralisme qu'on a dit très ultra, en tout cas très pur, ce mouvement finalement politique, c'est aussi l'évolution de la pensée de Mario Vargas Llosa. Ce qui me paraît très important, c'est à coup sûr de voir cette évolution possible et qui est même attestée. Il ne faudrait pas oublier les éléments par lesquels Mario Vargas Llosa était intervenu contre le général Videla et contre toutes les tyrannies, aussi bien contre Castro, avec laquelle il a rompu de façon très violente, qu'avec précisément la tyrannie. Et à vrai dire, il avait l'expérience de la tyrannie très jeune. On a parlé en début d'émission de La ville et les chiens et de la manière dont ce livre a été conçu à Paris et rédigé à Paris. Mais le problème majeur, c'était de savoir comment est-ce que ce livre était publiable. Et il y a eu de longues séances communes de travail avec la censure. L'éditeur Carlos Barral, qui était son éditeur à Barcelone, a défendu le livre et, s'apercevant qu'un livre ne pouvait pas paraître si la censure franquiste ne donnait pas son aval, a organisé des séances de travail dans lesquelles la censure a été tournée parfaitement en ridicule, parce que le représentant de l'institution militaire avait été qualifié de grosse baleine. Et alors ça, c'était un outrage à la dignité militaire, et le franquisme d'Espagne était là directement mis en cause. Si jamais on disait que c'était un gros cétacé, la censure rentrait tranquillement dans ses prudences. Un gros cétacé, c'est bien, on garde ça. Je crois que la fantaisie pure n'existe pas, qu'elle a des racines, n'est-ce pas, très profondes dans l'expérience quotidienne, et que tous les écrivains, parfois sans le savoir, mais utilisent, n'est-ce pas, ces souvenirs, ces obsessions, c'est-à-dire cette expérience vitale qui est la source de toute littérature. Cela ne veut pas dire qu'un roman ou qu'une pièce de théâtre, dans mon cas, n'est qu'une autobiographie dissimulée. Pas du tout. Je crois que l'autobiographie est une racine, n'est-ce pas, est un bon point de départ. Et sur ça, la fantaisie, l'imagination construit et construit beaucoup. Hein. Parfois des choses qui vont très très loin, n'est-ce pas, de cette origine autobiographique. Vous écoutez la Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Stéphane Michaud, on a peut-être là déjà un début de clé pour comprendre Mario Vargas Llosa quand il explique que finalement la littérature pour lui c'est remplacer le réel par autre chose, quelque chose qu'on invente, une vie qu'on aurait aimé avoir et que finalement on n'a pas eu. C'est ça, la littérature de Mario Vargas Llosa? Pour une part, mais je pense que la citation, si on voulait prendre une formule brève chez lui, c'est cette citation qu'il a en 1967, « La littérature est feu ». Et donc, si la littérature est feu, ce n'est pas anodin. Et c'est pas simplement de se donner la vie qu'il aurait aimé avoir, parce qu'après tout, ces romans sont des romans assez terribles pour décrire. Non, mais précisément... c'est des hypothèses d'autres vies, des vies possibles, pas forcément bonnes d'ailleurs. Alors, en revanche, que la littérature autorise à vivre mille vies. Ça, c'est une de ses convictions réelles. Et ce qui pour lui, et c'est un point sur lequel vous me permettrez de dire un tout petit mot, ce qui pour lui est essentiel, c'est que tout cela passe par les mots. Et au fond, j'ai aimé entrer dans l'œuvre de Mario Vargas Llosa. C'est au fond le cadeau qu'il m'a fait quand un jour il m'a appelé. Ah. Et ce n'est que deux ans plus tard qu'il m'a dit « Mais écoutez, c'est vous que je choisis, j'ai un traducteur depuis toujours, etc. Mais je voudrais que ce soit vous qui dirigiez cela. Après tout, votre ampleur de comparatiste, quelqu'un qui aime à la fois la poésie, les langues diverses, et qui précisément ne va pas me ranger à une école, mais va chercher à accompagner ses tentatives diverses. Alors, ce que j'ai appris là, c'est l'extrême passion qu'il porte jusqu'au langage. Et donc, descendre dans le langage, c'est parfois, et c'était le côté absolument passionnant de l'expérience de la Pléiade, c'est reprendre les traductions antérieures qui avaient été faites à un moment où Mario Vargas Llosa n'avait pas encore la réputation qui est la sienne aujourd'hui, et voir comment il y a une continuité avec certains mots d'ailleurs intraduisibles, la huachaferia. Alors vous allez me dire, pourquoi voulez-vous mettre ici un gros mot? Parce que c'est un mot qui évoque à la fois une fantaisie, une erreur de goût, finalement quelque chose d'imprévisible et qui appartient à la créativité de la littérature. Et là, j'ai une énorme reconnaissance à Anne Picard, qui a bien voulu relire avec moi, là, très attentivement, et qui avait bien des longueurs d'avance pour le faire, relire des traductions qui étaient reçues et qui ne manquaient pas d'éclat, mais pour les tenir au plus près de ce jaillissement qui, précisément, reste constant. Et donc, au fond, la Pléiade, et j'espère à cet égard avoir rempli le contrat que m'a proposé Mario Vargas Llosa, c'est qu'il y ait de l'exubérance possible et que ce ne soit surtout pas une fossilisation et que on ne cherche pas à engranger des choses acquises, mais à éclairer sous un jour neuf une œuvre qui se propose à nous. En tout cas, c'est ce que vous avez essayé de faire avec l'appareil critique. Appareil critique dans lequel vous distinguez trois périodes littéraires pour Mario Vargas Llosa. La première, finalement, il est très jeune, les années 52-53, il s'essaye très tôt au roman quand il est à l'université, il publie des nouvelles, et pour vous, à partir de 1969, il est déjà en pleine possession de ses moyens, c'est une seconde période, et la troisième période, en revanche, est très récente, elle date d'environ 2006. Qu'est-ce qui caractérise, comme ça, très brièvement, l'évolution pour vous que vous avez découpé ainsi de l'œuvre de Mario Vargas Llosa, Stéphane Michaud? Je pense que le but que je poursuivais là est un but d'acclimatation d'une œuvre qui est une œuvre terriblement ambitieuse. Et je ne voudrais rien rogner de ce beau mot que vous citiez, cette œuvre monde. Et quand on demande à Cortázar, c'est-à-dire une lettre de Cortázar à son ami, il dit « mais tu ressembles » quand il écrit à Vargas Llosa, il lui écrit ça très jeune et dans la flamme de la découverte de la Maison Verte qui lui a tellement plu, « mais tu ressembles au rhinocéros du zoo de Buenos Aires qui est le plus tranquillement du monde, envoyé promener le barbelé dans lequel il était, a été se baigner dans la mare qui était quelques mètres ou quelques centaines de mètres plus loin. » Au fond, il y a une puissance créatrice chez Vargas Llosa, une sécurité de lui-même, ce qui n'empêche pas du tout qu'il est bagarré, qu'il est combattu, parce que, au fond, l'une des œuvres, paraît-il, semble-t-il, les plus imaginaires, les plus, les plus abondantes, les plus luxuriantes, ce serait La Maison Verte, qui se passe en Amazonie. Son deuxième roman, hein, c'est ça? Alors, La Maison Verte vient, effectivement, après c'est le second. La Ville et les Chiens, ouais. Si j'observe très vite les choses, c'est tout à fait autre chose que La Ville et les Chiens. Ouais. C'est-à-dire que Mario Vargas Llosa ne se crée pas un moule dans lequel il coule ensuite de façon industrielle d'autres romans. Mais d'autre part, ce roman, il a envie de l'écrire à un moment où tout joue contre lui, parce que c'est l'époque où l'armée péruvienne bombarde au napalm. Ouais. Les populations indiennes. Mais alors, qu'est-ce qui fait vraiment les charnières entre ces trois époques? Alors, qu'est-ce qui fait la charnière? Je dirais une conscience de l'œuvre qui est de plus en plus maîtrisée et dans laquelle Vargas Llosa demande à son lecteur, au fond, un investissement de plus en plus grand. Au fond, Conversation à la cathédrale, c'est à la fois une matrice magnifique. Comment est-ce que, dans une longue après-midi soirée autour de forces boques de bière et qui finissent par emporter un peu la raison, se reconstituent toutes les chevaux si imbriqués de la vie politique liménienne et péruvienne. Et tout cela est construit de façon absolument magnifique, mais précisément la gomme a dû jouer terriblement de façon à ce que les passages d'un registre à l'autre, c'est au lecteur de les découvrir, de les repérer. Et donc, il y a... Ce qui ne rend pas forcément très difficile la lecture, et c'est là où c'est un tour de force. C'est que, à la fois, c'est une structure très complexe, et en même temps, même s'il y a du mystère dans cette construction, tout de même, ça se lit très aisément. Et d'ailleurs, les millions de lecteurs de Mario Vargas Llosa à travers le monde authentifient cela. C'est vrai, n'empêche qu'un point essentiel, c'est de savoir ce qui en espagnol a été tellement limé, travaillé, mis au point. Et c'est pas simplement du travail de fignolage, il y a vraiment de la puissance alliée à de la délicatesse. Comment ce travail passe par un travail de langue qui n'est pas possible spontanément en français, parce que la langue française, au fond, connaît la langue qui se parle à l'école ou dans le beau monde, et puis connaît, je ne sais pas comment est-ce qu'on appellera, l'argot. Et si on n'est pas Céline, maîtriser ces registres de langue est d'une extrême difficulté. Faire parler un petit Péruvien comme un badaud parisien, c'est ridicule. Donc il y a, je dirais, tout un travail, et c'est là que je suis très reconnaissant à toute l'équipe qui a révisé, et puis je dirais au traducteur qui a accepté que son travail soit là repris et remis sur le chantier de façon très serrée et très exigeante, pour garder, au fond, à chacun, il suffit que tel personnage ouvre la bouche et on le repère immédiatement comme le Serrano, celui qui vient de la côte et qui n'a pas la facilité des Liméniens. Alors tout à l'heure, Stéphane Michaud, vous avez employé un terme, et ce terme c'est celui de générosité. Pour vous, Mario Vargas Llosa est un écrivain généreux. Comment entendez-vous cette générosité? Je dirais d'abord le soutien qu'il est capable d'apporter à quelqu'un quand, en échange de cette conversation, qui, à vrai dire, pour moi, était un vrai moment de bonheur, il m'avait expliqué ce qu'il avait voulu dire dans son roman Le Paradis un peu plus loin, et il avait réussi cette incarnation romanesque d'un être absolument passionnant qu'André Breton a salué. Il n'est pas au firmament de l'esprit de dessiner plus lumineuse que celle de Flora Tristan. La phrase est superbe, et je n'ai rien à y redire, mais de là à construire toute une œuvre autour de Flora Tristan, et puis d'associer à cette Flora Tristan son petit-fils, qu'elle n'a jamais connu, Paul Gauguin, et de montrer la parenté qu'il y a entre ces deux, c'est vraiment un tour de force magnifique. Alors, oui, ce que j'appellerais, moi, la générosité, c'est d'être capable de faire vivre des mondes tout à fait différents, voire antagonistes, et puis cette ardeur à laquelle il a porté toute l'équipe, et depuis le début jusqu'à la fin, avec aussi le sentiment qu'il luttait contre ce qui n'était pas donné par soi-même. Merci beaucoup Stéphane Michaud. Je rappelle donc que vous avez dirigé l'édition des œuvres de Mario Vargas Llosa en Pléiade, disponible depuis mars dernier. Puis nous, demain, on continue à explorer l'œuvre et la vie du prix Nobel péruvien de littérature. Ce sera avec son traducteur, Albert Bensoussan, également auteur d'un essai le concernant qui s'appelle « Ce que je sais de Vargas Llosa ». On espère qu'il nous dira tout. En attendant, n'hésitez pas à vous procurer le numéro de France Culture Papier qui vient de paraître. Il est en kiosque, c'est le numéro 20. Et puis on finit comme chaque jour en poésie avec Jacques Bonafé qui lit des textes d'Éric De Luca. Bonjour. Aller simple est un livre de Éric De Luca. Il a été publié en 2012. Édition bilingue chez Gallimard. Il est traduit par Daniel Valin. En sous-titre, on lit poème. Et effectivement, ce sont des formes courtes qui font le récit des voyageurs, des migrants, l'épopée tragique partie d'Afrique pour aller rejoindre le sol italien. En préambule, note de géographie, les côtes de la Méditerranée se divisent en deux, de départ et d'arrivée, mais sans parité. Plage et nuit de montée à bord plus que de descente, moins de vie douche d'Italie, plus embarquèrent. Pour déséquilibre, l'infortune et nous, une partie d'elle. Et pourtant, Italie est un mot ouvert, plein d'air. Le premier poème est un poème à six voix, ce n'est pas la mer qui nous a recueillis, nous avons recueilli la mer à bras ouverts. Le deuxième poème est à deux voix. On dit « vous êtes le sud ». Non, nous venons du grand parallèle de l'équateur centre de la Terre. La peau noircie par la plus directe lumière. Nous nous détachons de la moitié du monde, non pas du sud. Par pousser de talons sur le tapis de vent du Sahara, salon de beauté de la nuit, toutes les étoiles en suspens. L'eau sur une épaule, le baluchon sur l'autre, manteau, chemise et livre de prière. Le ciel est droit, un chemin tracé, plus court que la terre vallonnée. Le soir, nous recousons le cuir de nos sandales avec du fil de boyau et une aiguille en os. Chaque outil a une valeur, mais le couteau plus encore. Seigneur du monde, tu nous as fait misérables et maîtres de tes immensités. Tu nous as même donné un nom pour t'appeler. Récit de quelqu'un. Bien des jours avant de voir la mer, elle était une odeur. Une sueur salée, chacun imaginait sa forme. Est-elle une demi-lune couchée? Est-elle comme un tapis de prière? Est-elle comme les cheveux de ma mère? Qu'était-elle en fait? Un ourlet rouloté au bout de l'Afrique, les yeux picotés de petits miroirs, larmes d'accueil. Nous buvons sur la plage le thé des berbères, nous faisons cuire des œufs volés aux oiseaux blancs. Les pêcheurs nous offrent des poissons lumineux, nous suçons la pulpe de squelettes d'arêtes transparentes. L'ancien, près du feu, discute avec les marchands. Le prix pour monter sur la mer de personne. La vie dure peu sur les hauts plateaux, dans les pâtures. S'il le faut, on saute dans la mort sans trémolo. Deux coups de pied en l'air et c'est fini. Qu'ont-ils à trembler avec leurs armes, ces deux marins? Aucun espace pour s'allonger, les uns contre les autres. Il pleut sans abri, nous serrons la laine de nos manteaux. Nuit de patience, la mer voyage vers nous. À l'aube, l'horizon coule dans la poche des vagues. Dans notre tas, les femmes au milieu, un enfant meurt dans les bras de sa mère. Quelle meilleure destinée, une fin dans un giron. Ils le descendent aux vagues, un chant à voix basse. La mer enveloppe dans un rouleau d'écume la feuille tombée de l'arbre des hommes.